Chapitre 4. Les temps de Komba Konam. Le premier devoir pour un hindou est de se marier, afin d'obtenir une postérité, et de laisser après lui quelqu'un qui offre à son intention des sacrifices aux dieux. Les brahmanes surtout tiennent à perpétuer leur race, et ceux d'entre eux qui n'ont pas d'enfants ou qui les ont perdus s'empressent d'en adopter un, choisi dans leur propre caste. Le Purohita avait vu mourir les siens. Devenu vieux et se trouvant sans héritier, son choix se porta sur Devadatta. Ce fut cet orphelin, solennellement intégré dans la tribu brahmanique, qui lui prit fantaisie de s'attacher par les liens de l'adoption, ainsi qu'il le lui avait promis. Dans les cérémonies qui accompagnèrent ce grand acte, le rôle principal revient à la mère, parce que, d'après la loi indienne, c'est à la mère qu'appartient l'enfant. Elle a seule le droit de l'accorder à celui qui veut le faire entrer dans sa propre famille. Voilà pourquoi le Purohita avait recours au mensonge et à la supercherie, pour établir que Devadatta était bien réellement le fils de Kalavati l'idiote. Celle-ci répéta machinalement, et sans les comprendre, les paroles sacramentelles, qui constituent l'abandon de l'enfant entre les mains du père adoptif. On lui donna en échange et à titre de gage de nourrice, selon l'usage consacré, un habillement neuf et une centaine de pièces d'argent, après quoi la pauvre femme, se trouvant de nouveau abandonnée, retomba plus profondément que jamais dans sa folie. Elle se mit à courir, comme auparavant, de village en village, s'arrêtant aux portes des pagodes pour demander ce fils un instant retrouvé, disait-elle, et qui lui avait été ravi une seconde fois. Devadatta se montra tout d'abord sincèrement affligé de sa disparition. Il fallut que les brahmanes, pour calmer son chagrin, lui avouassent qu'il n'existait aucune parenté entre lui et la malheureuse idiote. C'était pourtant à cause d'elle, et pour obéir au sentiment de la piété filiale, qu'il avait abandonné son véritable père adoptif, le vieux prêtre à qui il devait la vie. « Qu'as-tu à regretter ?» lui dit le Purohita. « Hier encore, tu n'étais rien qu'un être déclassé. Aujourd'hui, te voilà élevé au premier rang parmi les hommes. Il nous fallait une femme qui jouait le rôle de mère et j'ai pris cette folle. Elle est partie, que t'importe, puisque tu n'es pas son fils. Ta vraie mère est morte. Elle a péri dans le jungle où ton padre l'avait rencontrée. Il y a longtemps que nous le savons. Quant à ce vieux fou qui avait fait de toi son disciple, il mourra sans doute avant d'arriver à Pondichéry, et tu n'entendras plus parler de lui. Oublie-le donc. N'as-tu pas retrouvé ici une famille, et quelle famille ?» Le Purohita, en effet, comptait parmi les brahmanes de Chilimbaram beaucoup de parents qui témoignaient à Devadatta une certaine bienveillance. Les transfuges sont toujours bien accueillis dans le camp opposé. Chaque jour, le nouvel adepte du polythéisme allait avec ses collègues laver les idoles des pagodes et vaquer aux autres cérémonies du culte païen. Puis venaient les ablutions dans les étangs sacrés, les soins donnés à ce corps mortel que les brahmanes traitent si délicatement, les repas succulents et la sieste sur les bancs de pierre, à l'ombre des toiles tendues devant les maisons. Ces occupations très peu pénibles, ces pratiques purement extérieures, qui n'exigent ni recueillement ni contrainte d'essence, ne tardèrent pas à produire leur effet sur Devadatta. Les scrupules qui, d'abord, avaient troublé sa conscience, s'assoupirent peu à peu. Il prit plaisir à étudier les légendes relatives aux divinités avec lesquelles il vivait dans un commerce de tous les instants, et les traditions qui attribuent à notre globe une antiquité si reculée. Ces fictions extravagantes, mais souvent grandioses et toujours empreintes d'un naturalisme mystique rehaussé de poésie, les brahmanes les lui racontaient avec enthousiasme. Devadatta les écoutait d'une oreille attentive. Elles agissaient sur son imagination naïve et peuplaient son esprit de vagues symboles. Entre le Purohita et lui, s'établissaient des conversations sérieuses et animées dans lesquelles les grands problèmes de la destinée humaine étaient franchement abordés. Doué d'une intelligence vive et facile à séduire, Devadatta ouvrait son âme à des doctrines à demi fatalistes, incohérentes, souvent contradictoires, qui excuse les faiblesses humaines, tout en prêchant la vertu. Peu à peu, ce jeune homme, élevé dans les principes austères du christianisme, se laissa aller sans résistance à une vie molle et contemplative, rêvant à l'aise sous les voûtes silencieuses de ses temples, où des milliers de statues, les unes colossales et monstrueuses, les autres finement sculptées et réduites aux proportions de la nature humaine, représentent, sous une forme visible et palpable, toutes les hallucinations du paganisme. Dans l'enceinte de ces pagodes, où les brahmanes ne cèdent le pas qu'aux taureaux sacrés, nonchalamment étendus sous les longues colonnades, les bruits de dehors ne pénétraient guère. il régnait parmi les hôtes de ces lieux tranquilles une sorte de fraternité, celle qui résulte de l'égalité de naissance et de l'esprit de corps. Ces prêtres païens, qui naguère encore inspiraient à Devadatta tant d'horreur, étaient donc au demeurant d'assez bons diables, un peu menteurs peut-être, fort insouciants, mais instruits, amis du beau langage, distingués dans leurs manières, une race intelligente et choisie à laquelle on pouvait être fier d'appartenir. Sortir des rangs infimes de la société et se trouver tout à coup porté au premier rang, c'était à tout prendre un beau rêve, et ce rêve venait de se réaliser pour Devadatta. Aussi, quoiqu'il lui fût impossible de prendre au sérieux les chimères de l'idolâtrie, dont chaque jour il accomplissait les pratiques, il voyait s'obscurcir dans son esprit les croyances de sa jeunesse. Il y avait d'ailleurs dans ce milieu indolent et vaniteux qui l'entourait une atmosphère d'épicurisme capable d'énerver les natures les mieux trempées. Devadatta en vint à se créer une philosophie à lui, dans laquelle il mit un peu de tout ce qu'il avait appris depuis son enfance, et ce système informe, qui manquait de base, se résumait tantôt en un doute immense, tantôt en un panthéisme absolu dont il était lui-même le centre. Cependant, la contemplation de ses propres perfections ne peut convenir longtemps à un simple mortel, que sa faiblesse ramène sans cesse au sentiment de son impuissance. Élevé dans le village chrétien de Tiruvelli, dans ce petit monde à part dont tous les membres éprouvaient les uns pour les autres une affectueuse et tendre sympathie, Devadatta se trouvait isolé au sein de cette société brahmanique, égoïste et altière, qu'il avait adoptée. Là, pas d'épanchement, pas d'intimité, chacun vivait pour soi, cherchant dans la fréquentation de ses égaux une distraction et un aliment à son orgueil. L'état d'infériorité presque dégradant auquel les femmes hindoues sont réduites dans les castes supérieures inspirait à Devadatta une pitié profonde. Lui qui avait vu la femme, réhabilitée par le christianisme, prendre part aux cérémonies du culte, adoucir par sa présence la rudesse naturelle à l'homme et se vouer au service de ses frères souffrants, il ne pouvait s'habituer à la morne attitude, à la démarche solennelle des brahmanis, qui passaient, silencieuses, avec des visages peints et enluminés comme ceux des idoles. Sous les dehors imposants, sous l'apparente dignité qui l'avait séduit tout d'abord, il ne trouvait rien qu'une vie factice, et comme une image de la mort. Aussi, quand il se fut bien repu de la satisfaction vaniteuse qui consiste à s'élancer vers l'avenir le front haut, sans joue et sans frein, il commença de sentir au fond de son cœur un grand vide. Parfois, dans le silence des nuits tièdes et sereines, il songeait à la vieille Monique, la pieuse matrone qu'animait une charité ardente. Il se voyait près d'elle, côte à côte avec la petite Nanny, priant tous les trois devant l'image du Christ. La figure du Père Joseph se multipliant pour soulager toutes les misères lui apparaissait également, comme une douce vision. Dans ce temps-là, il était rejeté, honni à cause de sa croyance. Mais son âme se dilatait, elle y avait jusque dans les souffrances de l'amour-propre blessé un charme secret. Désormais, les joies pures que donne le devoir courageusement accompli n'existaient plus pour Devadatta. Il n'avait plus à lutter, tout se courbait, tout s'humiliait devant ses pas, et il s'engourdissait dans une torpeur maladive. Les ressorts de son esprit se détendaient. Il vivait d'une existence machinale et apathique. Peu à peu, l'ennui s'empara de tout son être, et il demeurait des jours entiers plongé dans une mélancolie profonde. Il n'y avait pas autour de lui un seul être à qui il pût dévoiler ses mystérieuses angoisses d'un cœur aimant et comprimé. Personne, parmi les brahmanes de Chilimbaram, ne comprenait pourquoi ce fils adoptif d'un Purohita respecté s'abandonnait à de pareilles tristesses. Depuis 2 ans qu'il habitait la pagode, Devadatta éprouvait les effets de cette souffrance morale, lorsqu'un jour le Purohita, le prenant à part, lui dit d'un ton sérieux « Mon fils, il reste en toi quelques traces des souillures que tu as contractées parmi les chrétiens et dont les effets se manifestent de plus en plus. » Devadatta leva les épaules sans répondre. « Prends garde, » poursuivit le Purohita. « Quand on est brahmane, on doit donner l'exemple. Nous avons un proverbe qui dit « Le rat de la pagode n'a pas peur des dieux. » Nous-mêmes, nous ne les craignons pas beaucoup, mais il y a des gens simples, ignorants, qu'il ne faut pas blesser par des dehors d'incrédulité. Je te conseille d'entreprendre un pèlerinage. « Aux sources du Gange, à Bénarès ?» demanda Devadatta. « Non, pas si loin. » Dans le Tanjore, il existe un étang sacré celui de Kombakonam, dont tu as entendu parler. Il n'est qu'à quelques lieues du village de Tiriveli où tu as été élevé. Tous les 12 ans, l'eau de cet étang a le pouvoir de purifier tous ceux qui s'y baignent, des souillures spirituelles et corporelles les plus invétérées. Elle enlève jusqu'aux maladies du corps produites par les péchés des existences antérieures. Voici l'époque où cette source fameuse jouit de son entière efficacité. D'innombrables pèlerins iront s'y plonger. Pars, mon fils, et tu nous reviendras délivré du malaise dont tu souffres. Poussé par le désir de chercher au dehors un peu de distraction, Devadatta se montra docile au conseil de son père adoptif. Il se sentait à l'étroit dans ses pagodes, jointes entre elles par une muraille épaisse qui donne à leur ensemble l'apparence d'une forteresse. La saison d'hiver, si délicieuse dans l'Inde par sa sérénité et sa fraîcheur comparative, rendait d'ailleurs le voyage moins pénible. Il s'agissait de faire une 50aine de lieues tout au plus au milieu d'un grand concours de peuples qui rendait la route moins ennuyeuse et plus sûre. « Peu m'importe l'étang de Kombakonam et ses eaux merveilleuses, » se disait Devadatta, « ce que je veux, c'est changer d'air, et contempler encore à mon aise ces campagnes tranquilles que j'ai parcourues si souvent dans mon enfance. » Par-delà l'étang et le village de Kombakonam, lui apparaissait, sans qu'il se l'avouât, le gracieux et pur visage de Nani, toujours présent à son souvenir. Une fois sorti de l'enceinte des pagodes de Chilimbaram, il reprit l'entière possession de lui-même et marcha d'un pas léger sur ces chemins poudreux que remplissait déjà un nombreux cortège de pèlerins de tout âge et de tout rang. Il se trouvait enfin au milieu de ses semblables, dans la véritable acception du mot, c'était l'humanité et non plus une caste privilégiée qui s'agitait autour de lui. À mesure qu'il s'avançait, le flot des voyageurs allait grossissant. Toutes les misères, toutes les hideuses maladies de l'Inde étaient représentées dans cette foule avide de guérison qui se hâtait vers la piscine miraculeuse. Il y a dans le cœur de l'homme un invincible besoin de croire à une vertu surnaturelle, de se confier en une providence qui veille sur lui et qui doit exaucer ses prières. La différence qui existe sur ce point entre les chrétiens et les idolâtres, c'est que ceux-ci exigent des dieux auxquels ils offrent des sacrifices, l'accomplissement de leurs souhaits à heure fixe, sous peine d'invectives et de révolte, tandis que ceux-là, s'humilient par la prière, et se courbant sous la main qui les afflige, tâchent de mériter par l'exercice des vertus les grâces qu'ils demandent. Devadatta avait connu et pratiqué la prière qui s'élève au fond d'un cœur contrit et touché. Aussi considérait-il avec des sentiments de compassion ces milliers de pèlerins courant en désordre, avec des cris confus et des chants licencieux, vers le point désiré où une divinité mal définie devait opérer tant de miracles. Au fond de son âme, il rougissait de cette crédulité stupide qu'il avait l'air de partager avec la foule. Tout ce monde semblait en proie au vertige. Une force aveugle poussait en avant ces voyageurs harassés et poudreux qui encombraient la route, pareil à un troupeau sans pasteur, peuple abandonné à qui jamais il n'avait été adressé une parole de consolation. Ému par ce spectacle, Devadatta s'assit au pied d'un arbre et le discours sur la montagne lui revint à la mémoire. L'évangile, renié par lui, se montrait à son intelligence dans sa sereine grandeur, dans sa majesté divine. La vie facile et en apparence si heureuse qu'il avait menée pendant 2 ans dans les pagodes de Chilimbaram lui faisait l'effet d'un songe pénible. Depuis le jour de son entrée au milieu des brahmanes, il ne lui était pas arrivé d'accomplir une seule action noble et désintéressée, dont le souvenir l'éleva à ses propres yeux. Il les pèlerins souillés de tant de fautes honteuses dont il n'avait pas conscience, dont il ne songeait pas à se purifier, défilaient, pêle-mêle, bruyants, hébétés, prodiguant les marques de leur respectueuse déférence à ce jeune homme soucieux et attendri qu'il prenait pour un brahman orthodoxe, remerciant les dieux de l'avoir créé si puissant et si sage. Aux voyageurs que la dévotion conduisait vers l'étang de Kombakonam s'étaient joints des marchands venus des provinces les plus reculées de la presqu'île indienne. Ils établirent dans le voisinage un bazar qui prit bientôt les proportions d'une ville commerçante, avec ses longues rues, son mouvement et son bruit. Les milans affamés s'y abattirent de toutes parts, cherchant à enlever jusque dans les paniers des vendeurs les débris de poissons salés que leur disputaient les corneilles. Et de la pagode du village sortaient les singes familiers qui commettaient 1000 larcins dans les boutiques. Au jour fixé par l'almanach brahmanique, la foule se précipita avec empressement dans les eaux sacrées qui ne tardèrent pas à devenir horriblement troubles. Tant de pêcheurs y avaient laissé les souillures de leurs âmes et de leurs corps. Puis, comme il arrive toujours en pareille circonstance, le choléra fit son apparition au milieu de cette population agglomérée sur un espace étroit. Bien des pèlerins moururent à quelques pas du lieu où ils étaient venus chercher la santé. Les autres ne tardèrent pas à reprendre le chemin de leur pays, et le silence régna de nouveau dans le village de Kombakonam, dont l'étang devait rester durant 12 années privé de sa vertu miraculeuse.